Bonsoir à toutes et à tous, on est mardi soir et le mardi soir, comme vous le savez, c'est Zikactu. Zikactu, votre émission d'actualité musicale, et cette semaine c'est exactement ce qu'on va faire. On va vraiment être au plus proche du concept de base. Je vais tout simplement vous passer plein de disques et plein de musiques qui sont sorties dernièrement, au pire ça sera 2014 mais pas avant, et voilà. Cette semaine, on va la faire à la route, on va la faire à la cool. Pas de thématique particulière, juste des morceaux. On commence tout de suite avec River de IBI. Du groupe IBI, et c'est très classe, très profond, très, très beau. IBI, c'est un duo en fait de deux sœurs jumelles qui s'appellent Lisa Kalinde et Noémie Diaz. Diaz comme Anga Diaz. Anga Diaz qui était le percussionniste du groupe cubain Buena Vista Social Club avec Ibrahim Ferrer, Ruben Gonzalez et Compay Segundo. Donc le percussionniste, quand il est mort, les deux sœurs avaient 11 ans en fait et elles ont appris à jouer du cajon. C'était son instrument fétiche. Et voilà, maintenant ça doit faire une bonne dizaine d'années, tout ça. Elle doit avoir une petite vingtaine. Et elle sort donc cet album sous le nom Ibéi. Ibéi qui veut dire jumelle en langue Yoruba. Le Yoruba, c'est une langue qui vient d'Afrique, mais que parlaient les esclaves qui sont venus d'Afrique, qui sont venus jusqu'à Cuba. Donc un groupe franco-cubain. On continue avec Asaf Avidan qui sort un album qui s'appelle Gold Shadow. Et je vous fais écouter le titre Ode to My Thalamus. The clouds are gathering in the sky above. I know this one's gonna hurt my love. Birds are shouting through the mangrove trees. They know the difference between a storm and breeze. I too have felt this once before. I hear the pounding and it's at my door. Outside it's boiling but the water is cold. All signs point to that I'm getting old. And then I take that dive. To hold a breath is not to be alive. I felt it now, I feel it now. I know it's coming, but I don't know how. It's taken us apart. This hell a case of love. We're nothing but postmodern art. What were we thinking of? This is how it happened. Oh, this is how it has to be. This is how it has to be. I'm constructing, but I should not be. My blood is boiling and the callus is hot. My veins are twisting and a sailor's knot. My thalamus is growing down into my tongue. And all I taste is pain in every kissing song. I know this story, I know it well. The cracks are showing in my pearly shell. Outside I'm shaking and I feel the chill. Asaf Avidan avec le titre Ode to My Thalamus. Asaf Avidan qui est donc un auteur, compositeur, interprète originaire d'Israël. Donc le leader du groupe, en fait c'est un groupe, hein, Asaf Avidan and the Mojos. Donc un album que je vous conseille d'écouter intégralement aussi, et vraiment l'album est très chouette. On continue avec on voyage un peu, on part en Afrique du Sud avec Petite Noire, qui sort un EP, The King of Anxiety, et le morceau qu'on va écouter s'appelle Come Inside. You can make me feel the pain. Only you. crescendo hypnotisant avec Petite Noire et le titre Come Inside. C'est donc un chanteur qui vient de Cape Town, donc en Afrique du Sud. Et voilà, avec des parents congolais et angolais, il a donc déjà plusieurs racines en Afrique, mais aussi il a passé une partie de sa vie à Bruxelles et là donc il est en Afrique du Sud. Et il signe donc un premier EP avec 6 titres, vraiment prometteurs, des titres variés. On verra ce que ça donne sur un album, je pense qu'on en reparlera. Petite Noire donc, à retenir. On part de absolument à l'opposé dans les pays nordiques, on va plus précisément en Suède, avec JJ Johansson qui nous livre aussi un nouveau single qui sortira sûrement sur son prochain album. Le single s'appelle Moonshine, JJ Johansson. JJ Johansson sur la radio des Boutières et l'émission c'est Zik Actu. On présente l'actualité musicale du moment et donc JJ Johansson en fait partie puisqu'il sortira un nouvel EP le 13 avril. Un EP qui s'appellera aussi Moonshine. Et du coup, J.J. Johansson, c'est vraiment un artiste à suivre. Une espèce de dandy crooner, un peu insituable, entre le jazz, l'électro. Là, il retourne à quelque chose de plus pop-rock, un peu plus immédiat. Il faudra voir ce que ça donne. Le titre est plutôt bon, Moonshine, en tous les cas, à mon goût. On continue avec un groupe qui s'appelle Balthazar, et le titre, c'est Then What. Begging for more on the doorsteps of the poor. Then what? Then what is it I've got? Woo-hoo! If someone told you there is. Hard from coming completely apart. Then what? And if in the warmth and rhythm of your skin I lost everything I could win. Then what? Then what is it I've the soul that lay thin upon the sweat on your skin retreated deep into your body again. Well, what is it then? What is it then? What is it then? What is it I've got? Balthazar avec le titre Then What, encore un super groupe belge qu'on peut ranger aux côtés donc de Ginzo, Girls in Hawaii, Deus ou autre Vénus. Et il y en a tellement que je me dis que ça vaudrait presque le coup de faire une émission spéciale belge aussi, spéciale Belgique. Il me manque plus que l'actu qui me permettrait de basculer là-dessus. Mais je suis sûr qu'elle viendra. En tous les cas, la Belgique est un territoire que je vous conseille musicalement. Et pour le reste aussi d'ailleurs, pour les gaufres entre autres. On continue avec un Américain cette fois, c'est Beck, qui sort un nouvel album qui s'appelle Morning Phase. Un album qui change pas mal, Beck, qui était quand même un funky groover à la belle époque, et qui est devenu un songwriter mélodramatique. Et voilà, ça se confirme sur cet album qui s'appelle Morning Phase, qui est plutôt un bon album, qui s'écoute très bien, mais posé, quoi, très tranquillement. Beck avec Morning. This morning, found a night in the storm. Looked up this morning. Vous écoutiez Beck avec le titre Morning, issu de l'album Morning Phase. Un album où, en fait, je viens d'apprendre plein de choses là pendant que j'écoutais. J'ai lu 2-3 trucs sur Beck. Et oui, vous voyez, cette émission est vraiment préparée à l'avance. Et en fait, cet album a commencé d'être enregistré en 2005 et il est sorti en 2014. Donc il a déjà un an. Mais il est quand même d'actualité. Donc déjà, il a été produit pendant 10 ans, alors je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ça date pas mal. Enfin, il y a en tous les cas du travail dessus. Et ce titre vient de recevoir, en fait, il y a quelques mois, les Grammy Awards du meilleur album et du meilleur album rock de l'année 2014. Voilà. Donc à vous de vérifier, d'écouter Morning Phase de Beck. Et j'ai appris notamment que Beck, en fait, était le fils d'une danseuse proche du Velvet Underground. La scène, on va dire, autour d'Andy Warhol et d'un chef d'orchestre et arrangeur canadien. Et son grand-père, quand même, c'est pas tout, ça suffit pas. Son grand-père était un des personnages importants du mouvement Fluxus. Voilà, c'est pas rien, c'est un beau pédigré, bravo à lui. Et on repart du côté de Paris avec un groupe, avec un pédigré tout aussi noble, mais même si moins connu, qui s'appelle In the Canopy. J'en ai déjà parlé, parce qu'ils avaient déjà un premier single qui s'appelait 1, 2, 3, 4 Hands, qui était exceptionnel. Et là, ils reviennent avec un EP. L'EP s'appelle The Light Through. Et le groupe, donc In the Canopy, c'est des copains, ça tue. Et le titre que vous allez écouter s'appelle Crystal Ball. Profitez-en, ça passe pas partout. C'est In the Canopy. Outrage, je le remets au début, excusez-moi. C'est reparti, In the Canopy. Sleep by snow. And soft C'était In the Canopy, un groupe à retenir, un groupe parisien. Le titre s'appelle Crystal Ball et l'album, donc l'EP vient de sortir, The Light Through, et j'espère sincèrement qu'on entendra parler d'eux à l'avenir parce qu'ils le méritent vraiment. Dans la rubrique copains, on va continuer avec Angel and the Hidden Tracks, cette fois du côté de la scène stéphanoise. Angel, ça fait un moment que je voulais vous en parler. Moi, c'est un artiste stéphanois que j'apprécie énormément. Je trouve que, voilà, il y a eu quelque chose comme 5-6 albums, le groupe s'arrête et donc il fallait au moins que j'en parle une fois, et voilà, le groupe s'est arrêté normalement fin 2014. Leur dernière EP sortie s'appelle Lines et je vous conseille d'écouter absolument toute la discographie, donc de Angel à N-G-I-L and the Hidden Tracks. On écoute Soaking the Lines. Bending the Lines, moving the lines, breaking the lines, soaking the lines. I don't want to write a song about our mutual bad experience, and disappointment would be way too easy, and I feel that everyone's been expecting it, including myself. I don't intend to write for any longer, 'cause I took it and nailed it according to my own standards, and I don't give a fuck about never so, and distrust the clean of a Freudian takeover on modern Western societies. I don't hate hatchets like Pearson's. Everything we miss silently with endless patience. Some things wait and long to be found. You were found, now you're blind. You could see, but you were lost then. You were found, now you're blind. But you were lost then, you couldn't trust them. Them being the rest of the world, organized against you in a system. There is no such thing as a system, but I can't begin to prove it without being systematic. I was hoping, and still am, that I am not part of one. I belong to the category of those who try not to belong to a category. You were lost then, you were found, now you're blind. You could see, but you were lost then. You were found, now you're blind. You could see, but you were lost then. You were found, now you're blind. You could see, but you were lost then. You're blind, you could see, but you were lost then. You were found. where you were lost and you were found. Blind, you could see, but you were lost and found. Now you're blind, you could see, but you were lost and. C'était Angel avec un extrait de, donc, du dernier album qui sera vraiment le dernier parce que le groupe arrête. L'album s'appelle Lines et je vous le recommande. Un côté très très live sur cet album. Vous pouvez retourner un peu en arrière sur la production. Il y a peut-être un côté plus produit, plus studio. Si l'aspect un peu rugueux, un peu live vous rebute, vraiment je suis sûr que dans toute la discographie d'Angel vous trouverez chaussures à votre pied, si j'ose dire. On part de Saint-Étienne, on prend l'avion et on va du côté de l'Angleterre avec Fife, et ça s'écrit F-Y-F-E. Il sort un album qui s'appelle Control, et donc c'est un multi-instrumentiste qui a commencé par le violon, et là donc il sort un album électro-pop, on va dire, et un très très bel album. Je vous passe un des titres qui, ça doit être l'avant-dernier de l'album, il s'appelle Saint-Tropez. C'est parti, c'est Fife. Sunny Saint-Tropez, look out to the water when you turn and you say take me home. Is this not home, dear? Take me home. It's not our home here. Fife, j'adore la fin de ce titre, j'adore ces cuivres là, c'est très très beau. Le morceau donc s'appelait Saint-Tropez. On continue avec un groupe qui s'appelle The Sound Carriers, que j'ai découvert grâce à Radio Dio, nos confrères de chez Radio Dio, la radio stéphanoise indépendante. Voilà, un petit big up aux radios indépendantes et associatives, que ça soit, bon, en tous les cas que je connais personnellement, mais il y en a plein d'autres dans le coin aussi qu'on salue. Mais moi je pense particulièrement à Radio Dio à Saint-Étienne et à FM 43 en Haute-Loire. Voilà, longue vie aux radios associative. On écoute donc The Sun Carrier avec le titre Anthropicalia, découvert sur Radio Dio. The Sun Carriers, donc un groupe anglais du côté de Nottingham, donc qui nous sert une petite pop un peu, la pop psyché, un peu 70, un peu tout ça. C'est très référencé, mais c'est plutôt frais au final de retrouver ces sons-là, ces sons analogiques. Voilà, c'est un groupe à écouter en tous les cas pour se replonger dans cette ambiance un peu psyché. C'est donc The Sun Carriers. On continue avec The Avener et un featuring avec Phoebe Kildare. Le titre s'appelle Fade Out Lines. It's a real avoir un petit passage club électro dans cette émission complètement éclectique. Ça, donc c'est The Avener, c'est un DJ en fait, c'est un remix d'une chanson donc de Phoebe Caldia. Voilà, c'était pour avoir une petite touche d'électro pour clôturer ou presque cette émission. Malgré tout, j'ai quand même envie de vous faire écouter encore une ou deux choses. On passe un peu du coq à l'âne, mais Patrick Watson a sorti deux singles dernièrement, ce qui annonce forcément un nouveau single. Patrick Watson, que je vous avais passé dans une émission que j'avais dû appeler le quart d'heure américain ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un artiste que je vous recommande. Et j'arrête de parler pendant les morceaux. She's gonna drive you to the shore, but you don't know who you are. But to take your time, you're gonna take your time. Walking through the city with too many roads, you're not gonna know. Voilà comment s'achève le dernier album de Patrick Watson. Cet album s'appelle Love Songs for Robots et donc c'était le dernier titre, Patrick Watson and the Wooden Arms, donc c'est un groupe québécois. Et donc l'album, je vous le rappelle, Love Songs for Robots. Et notre émission, elle aussi, touche presque à sa fin. Cependant, j'ai quand même bien envie de finir cette émission exceptionnellement par une petite chanson grivoise. Cette petite chanson grivoise, donc rangez vos enfants, hein, si c'est pas déjà fait. C'est une chanson qui nous vient, c'est assez gentil, hein, c'est pas bien, il n'y a rien de méchant. Ça nous vient du nouvel album de Luce, télé-réalité. Pour resituer, ça doit être la nouvelle star ou je sais pas quoi. Mais en tous les cas, elle sort un album qui pourrait être intéressant sur le papier parce qu'il est écrit et composé par Mathieu Bogarts. Mathieu Bogarts que j'apprécie particulièrement. Et voilà, donc cet album donne quand même une impression un peu étrange d'écouter Mathieu Bogarts mais avec une voix de fille. Et la question qui reste, c'est si on le jugeait vraiment comme un album de Mathieu Bogarts, est-ce qu'on le trouverait bon ? C'est pas dit, mais bon, cette chanson est plutôt amusante pour finir cette émission du côté grivois. C'est Le Feu au cul, Luce, extrait de l'album Chaud. Pimpon. Fallait pas traîner dans le quartier, où il fallait passer son chemin. Il fallait pas y mettre les pieds, non fallait pas tâter le terrain. L'aurait fallu changer de trottoir, l'aurait fallu faire demi-tour. Fallait pas emprunter ce couloir, fallait pas rentrer dans ma cour. Qu'est-ce tu fous? Qu'est-ce t'as fait? Qu'est-ce tu fis? Qu'est-ce t'as foutu? Qu'est-ce tu me fous? Qu'est-ce que c'est? Je l'avais dit, j'ai le feu au cul. Non, fallait pas tenter le passage, fallait pas monter l'escalier, fallait pas grimper les étages, fallait pas franchir le palier. Non, fallait pas chercher la caille, et fallait pas frapper trois fois, et fallait pas franchir le seuil. Fallait pas rentrer dans l'endroit. Qu'est-ce tu fous? Qu'est-ce t'as fait? Qu'est-ce tu fis? Qu'est-ce t'as foutu? Qu'est-ce tu me fous? Qu'est-ce que c'est? Je l'avais dit, j'ai le feu au cul. Qu'est-ce tu fous? Qu'est-ce t'as fait? Qu'est-ce tu fis? Qu'est-ce t'as foutu? Qu'est-ce tu me fous? Qu'est-ce que c'est? Je l'avais dit, j'ai le feu au cul. Cul, cul, cul, cul, cul. Où il fallait rester dans ses bottes. Non, il fallait pas faire le pas. Non, fallait pas ouvrir la porte. L'aurait fallu baisser les bras. Fallait pas grimper au plafond. Oh non, fallait pas allumer. Oh non, fallait pas jouer au con. Fallait débarrasser le plancher. Non, fallait pas tourner autour. Fallait pas traîner dans le quartier. Fallait prendre la sortie de secours. Où il fallait appeler les pompiers. Qu'est-ce tu fous? Qu'est-ce t'as fait? Qu'est-ce tu fis? Qu'est-ce t'as foutu? Qu'est-ce tu me fous? Qu'est-ce que c'est? Je l'avais dit, j'ai le feu au cul. Qu'est-ce tu fous? Qu'est-ce t'as fait? Qu'est-ce tu fis? Qu'est-ce t'as foutu? Qu'est-ce tu me fous? Qu'est-ce que c'est? Je l'avais dit. Elle nous avait prévenu, Luce, hein, quand même. Hein. Elle l'avait dit. Hein. Et voilà, cette émission est terminée. Une émission un peu old school, avec pas de thématique, et puis une idée un peu plus libre, d'enchaînement des titres, un peu pêle-mêle comme ça. En même temps, vous avez eu une émission tout à fait construite la semaine dernière, et vous en aurez une dans deux semaines sur une thématique que j'ignore encore. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à faire un retour sur la page Facebook de l'émission Zik Actu RDB ou à proposer des morceaux que vous avez envie d'entendre à la radio. Et voilà, des nouveautés qui vous ont plu. J'espère qu'il y en a et que vous écoutez de la musique. Ça me ferait bien plaisir en tous les cas de savoir laquelle est-ce. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un bon mardi soir et je vous dis à dans deux semaines pour de prochaines aventures musicales. À bientôt.